comment il en est arrivé là? L'histoire comme une autre, une sorte de conte. Le sien en fin de compte, c'est trop qu'il te raconte. Comment j'en suis arrivé là? Une histoire comme une autre, une sorte de conte. Le mien en fait le compte, je te raconte. Ma vie dans le rap, pour moi ça compte. Faut trop que je te raconte. 2004, 31 décembre, je n'ai pas encore écrit le rap dans le sang. Entouré de gars bourrés et de cendres, il semble que mon destin s'assemble. Quand je vois dans la pièce des gars qui me ressemblent et passent instruits de peur à l'écart, à croire que personne n'a d'attention à leur égard. Seul le connard, moi, écoute la moindre rime affichant sourire et joie. Me voilà là devant eux, Mathieu, 17 piges. À mon actif, zéro page, attentif à leur rime qui arrive tout droit sorti de la bouche. Je peux te dire qu'un coin ça m'embouche. La tête, je bouge et deviens ouf, tel un gamin devant ses cadeaux posés sous le sapin. Je suis impressionné par la façon de s'exprimer et rythmer. J'ai kiffé. Comment j'en suis arrivé là? Une histoire comme une autre, une sorte de conte. Le mien en fait le compte, je te raconte. Ma vie dans le rap, pour moi ça compte. Faut trop que je te raconte. Comment j'en suis arrivé là? Une histoire comme une autre, une sorte de conte. Le mien en fait le compte, je te raconte. Ma vie dans le rap, pour moi ça compte. Faut trop que je te raconte. Suite à cet épisode, Jérôde applique la règle, persévère, mais ne lâche pas l'affaire. La phrase résonne dans ma tête, tel un écho. J'ai rangé mon ego, de teco ego en écho. Je me lance dans l'écriture, en classe sur mes cahiers. Mon premier blaze incrusté, L-E-R-A-C. Colère et peine est grattée, j'enchaîne avec un titre gravé. Dans ma vie résonne, dans les murs de ma ville. C'est trop s'il faut et s'il faut. Trop de balles en 2006, concrétise mon état d'esprit. Pour le futur, des featuring avec la famille, tu vois où ça mène. En 2007, j'enchaîne les scènes et me déchaîne. Le rap dans le sang est pareil et moi continue à Pera. Premier street album, il paraît en octobre pour mes autochtones. Comment j'en suis arrivé là? Une histoire comme une autre, une sorte de conte. Le mien en fait le compte, je te raconte. Ma vie dans le rap, pour moi ça compte. Faut trop que je te raconte. Comment j'en suis arrivé là? Une histoire comme une autre, une sorte de conte. Le mien en fait le compte, je te raconte. Ma vie dans le rap, pour moi ça compte. Faut trop que je te raconte. Les premiers auditeurs sont plutôt séduits, c'est le bonheur. À la bonne heure, ça fait plaise que ça plaise. Et je fais pas ça pour le pèse. Les potos adhèrent, j'ai l'impression que ça commence à plaire. Des gens m'abordent et on m'apporte des bonnes nouvelles à ma porte. Mais t'inquiète, je prends pas la grosse tête. Je n'ai pas les chevilles qui enflent. Je suis en feu et en fête. Je reste le même pour 2008, nouvel album. Je gratte et guette les fils qui voudraient pas derrière me mettre la quéquette. Mais ouais gros, c'est rigolo. Golo, c'est mon histoire, la fin, je la connais pas. Comment j'en suis arrivé là? Et voilà, une dernière ligne, je te dis au revoir. Une dernière rime, et tu peux plus me voir. Comment j'en suis arrivé là? Une histoire comme une autre, une sorte de conte. Le mien en fait le compte, je te raconte. Ma vie dans le rap, pour moi ça compte. Faut trop que je te raconte. Comment j'en suis arrivé là? Une histoire comme une autre, une sorte de conte. Le mien en fait le compte, je te raconte. Ma vie dans le rap, pour moi ça compte. Faut trop que je te raconte. Il était une fois L-E-R-A-C. Une sorte de conte. Le mien en fait le compte. Fallait trop que je te raconte. Ouais ouais.